bienvenue dans La Voix de la Région, l'émission qui met en lumière des talents, des parcours, des histoires inspirantes du Grand Est. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'une artiste singulière, une voix à la fois douce et puissante, un univers de la chanson française, qui puisse dire une poésie forte, une poésie brute, elle s'appelle Ayel. Et derrière ces mélodies se cache un combat, une quête de sens, une quête d'équilibre, transforme cette réalité en force et créative. Son prochain album, La Nuit Polaire, paraîtra en mars 2025. Avec nous aujourd'hui, Ayel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à cette émission. Il n'y a pas de souci, merci pour l'invitation. Comment tu vas, Ayel ? Je vais bien, et toi ? Super bien, je te remercie. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots tes créations musicales ? Une artiste douce dans tes créations ? J'aimerais connaître un peu ton parcours et qu'on puisse connaître un peu la personne qui tu es. Ok, déjà je suis Ayel. Je fais de la chanson française que j'aime dire intimiste, douce et réconfortante. D'où tu es venu le goût pour la musique ? Moi, en fait, j'ai un peu baigné dans la musique petite, parce que ma mère est prof de chant, et moi, plutôt que d'aller chez la nourrice ou chez la babysitter, quoi, j'allais à la chorale, animée par ma mère. C'était plutôt cool, moi, c'est comme ça que j'ai découvert la musique. Puis après, j'ai fait du violon, instrument que j'ai totalement délaissé depuis au moins 10 ans. Et puis ensuite... Je sais pas, vers 14-15 ans, j'ai commencé à prendre une guitare. Au début, j'étais dans un groupe de rock. Rien à voir. Assez polyvalente, finalement. Tu touches à tout, les instruments. Ouais, mais je pense que plus jeune, je me suis forcée à faire des trucs que j'aime écouter. Tu vois, j'aime bien le rock et pas de problème, vraiment. C'est pas parce que je fais de la chanson française que toute ma vie, j'écoute que de la chanson française. Et tu sais danser le rock aussi ? Non, absolument pas. Vraiment, me faites pas danser. Ça, vraiment, c'est pas pour rien, je fais de la chanson française, ça fait pas trop danser la chanson française, parce que si je devais danser, je pense que moi j'ai deux pieds gauches, vraiment c'est pas une bonne idée. Et donc du coup, j'ai fini par prendre une guitare et à m'accompagner au chant et tout. Et puis c'est à la fac, j'ai eu un groupe de jazz folk, on va dire, allez, parce qu'il y avait des cuivres. Et là, on a commencé à écrire des chansons et ça, j'ai vraiment pris goût à écrire des chansons. Et je me suis rendu compte que finalement, j'avais pas besoin d'être un groupe et que presque le faire seul, ce serait plus salvateur pour moi de gérer de A à Z la chanson sans avoir à être validé par les autres. Voilà. Et du coup, j'ai lancé Ayel. Donc, une forme d'autodidacte. Ouais, voilà. Donc Ayel, pourquoi ce nom ? Pourquoi je choisis Ayel avec un L majuscule à la fin, c'est ça ? C'est pour forcer la lecture à l'envers, en fait. Parce que mes parents, ils m'appellent Léa. Donc moi, je m'appelle Léa, en vrai. Mais mon petit surnom, c'est Léa. Et du coup, à l'envers, Ayel. C'est très bien pensé. Très original comme pseudo, nom de scène, qui puisse dire. Donc, comment tu pourrais définir ton style musical aujourd'hui ? Est-ce que c'est un style plutôt... plutôt doux, plutôt engagé sur ta vie au quotidien, sur une ouais, forme... je pense que je suis assez inspirée par ce que je vis, mes trucs, quoi. Je me laisse traverser par la vie et je retranscris un peu ce que je ressens par les mots et la musique. Et j'espère que ça parle aux gens, parce que je suis sûre que je suis pas la seule à ressentir ces choses. On le ressent, et si tu veux, on peut encore plus ressentir en écoutant Le Temps des Brumes pour se mettre un peu dans l'ambiance de tes créations musicales. J'aimerais être un temps de brume, un jour de pluie triste et lugubre, un sombre nuage qui noircirait le paysage, le plus triste des clairs de lune. J'aimerais être une rupture, dans le poème une rature, un geste qui se tord et se défait, que tout se brise et se fissure. Pourtant je crois encore au soleil, je le cherche toujours par monts et merveilles. Pourtant je crois encore au soleil, je l'ai vu, je le jure, accroché. Car à la mousson, mon cœur n'est plus qu'un grand frisson, un vieux chiffon qui se transforme. J'aimerais être une nuit borgne, sombre où les silhouettes se déforment. Le temps d'une saison, décrocher la lune du plafond, me noyer dans la noirceur des hommes. Eh bien, quelle jolie musique, quelle jolie mélodie. Cette chanson, tu es accompagnée d'une personne, c'est ça? Tout à fait, oui. C'est Temps de brume, c'est Lydia Lawson, c'est une très bonne amie qui sévit dans la chanson en Île-de-France, dans le 93, il me semble qu'elle vit. Et on s'est rencontrés sur un genre de, comment on va appeler ça, un genre de forum de musiciens qui font tout seul dans leur coin, sans avoir... une équipe, un manager, un booker, un tout ce que tu veux, et qui sont des personnes qui ont toutes les casquettes sur la tête, tu vois, et au bout d'un moment, en fait, c'est un peu lourd à porter. Et c'était cool de se retrouver avec des gens qui vivent la même chose que soi. Et j'ai bien accroché avec Lydia, et du coup, on a fait ce titre. Je crois qu'elle avait tout un concept. Elle avait fait des petites berceuses, en fait. Donc tout ce qu'on entend, tout le premier couplet, plus son refrain... C'était sa petite berceuse. Et en fait, elle est venue me voir en me disant « Écoute Léa, celle-là, j'aimerais vraiment bien la finir. Et qu'est-ce que tu en dirais si on la finissait ensemble, en fait ?» Et du coup, j'ai écrit le deuxième couplet et j'ai ajouté mes voix sur son refrain. Et ça a donné Tant de brume. Donc, il y a une véritable harmonie, finalement, vos deux voix qui s'accordent. Donc, la chanson qui est écrite de manière collective. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et là, l'inspiration première... pour les arrangements, ça a été, je sais pas si tu vois, dans Anastasia, le dessin animé, tu vois le « Et au loin, ah oui, un oui. écho ». Et ben toute l'orchestration qu'il y a autour de cette chanson, c'était un peu l'univers qu'on avait envie de mettre dedans, et c'est pour ça qu'il y a toutes ces voix et ce corps, donc l'instrument hein, derrière, et ce petit côté très mignon, enfantin de la boîte de musique, tu vois. Donc ça, c'était notre inspiration un peu pour les arrangements. Alors, on sent déjà beaucoup de sensibilité et d'introspection, finalement, dans ta musique. Et cette profondeur qui s'explique d'autant plus dans cette chanson, du temps des brumes. Si on veut écouter ta musique, tes titres, comment on pourrait les écouter, tout simplement? En fait, je suis disponible partout. Tu veux me trouver sur Instagram, j'y suis. @ayelstation. En fait, un peu partout, ce sera ayelstation. Donc Facebook. Instagram. Sur Facebook, je crois que c'est juste Ayel. Tu as ta propre page Facebook ayelstation, c'est ça? Ayel tout court. Ayel tout court, enfin, je sais plus, mais vous verrez ma tête, vous verrez la nuit polaire, vous direz, ouais, c'est là. Voilà, donc si vous voulez écouter toutes les chansons, toutes les musiques de Ayel, vous tapez Ayel sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook. Et sur YouTube, Spotify, Deezer, et tous leurs petits Spotify, copains. Deezer, et voilà. Tout le streaming, je suis disponible partout. Et ben voilà, donc vous avez juste une chose à faire, c'est écouter en rentrant chez vous, Ayel. Donc c'est votre mission du jour. Je voudrais que tu m'emmènes après la nuit polaire, voir les premiers rayons solaires se poser sur la terre, fissurer la glace sous les veines pour laisser fleurir les chrysanthèmes. Je voudrais que tu m'emmènes après la nuit polaire, à travers les champs d'éoliennes où toutes les routes semblent croiser la mienne, après l'air glacé de l'hiver, après la nuit polaire. Oh, après la nuit polaire, c'est promis, avant demain, on ira réveiller le volcan sous la mer, debout devant. Je voudrais que tu m'emmènes après la nuit polaire, prendre un virage vers le nord, danser sur le fil dans le port et voir mon corps au travers s'élever en un éclair et faire une ellipse solaire. Oh, oh, oh, après la nuit polaire. Après quoi, du coup ? Après la nuit polaire. Après la nuit polaire. Est-ce qu'il y a un message qu'aimerais-tu que le public qui écoute cet album ressente ? Est-ce qu'il y a quelque chose, une émotion que tu aimerais provoquer, susciter ? En fait, c'est le changement d'humeur qui me tient à cœur dans cet album. Moi, je l'ai conçu et j'ai organisé les chansons pour que ça fasse comme un fil conducteur qui monte un peu, qui descend un peu, qui descend super bas, qui remonte, qui remonte, qui remonte et qui redescend. Et du coup, c'est tous ces changements d'humeur que j'ai envie de mettre en avant dans la nuit polaire. Mais encore une fois, chacun y voit bien ce qu'il a envie. Donc tu as été diagnostiqué bipolaire il y a 2 ans. Et tu dis que toute la... Trois ans maintenant. Et tu dis que toute la conception de ton album, La Nuit Polaire, en découle de cette expérience. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette bipolarité? Oui, bien sûr. Bah, déjà, on va définir ce qu'est la bipolarité. Alors maintenant, on n'appelle plus ça bipolarité d'ailleurs, c'est rigolo, même moi je me trompe des fois, mais on dit un trouble bipolaire, et même des troubles bipolaires, parce que chacun a le sien, qui n'est pas du tout géré de la même manière. Et le trouble bipolaire, qu'est-ce que c'est ? C'est, on va imaginer deux parallèles, deux lignes parallèles, et tout ce qu'il y a au milieu, c'est l'humeur normale des gens. Et en fait, la différence avec quelqu'un qui a un trouble bipolaire, c'est qu'il va descendre plus bas que la ligne du bas, et aller plus haut que la ligne du haut. Donc ça veut dire, donc la ligne du haut, c'est quand tu te sens vraiment super bien, et la ligne du bas, c'est quand tu es en dépression quand même, tu vois, parce que même sans avoir un trouble bipolaire, on peut être en dépression, ou ressentir une petite déprime, quoi. Et en fait, tu descends plus bas, et tu montes plus haut. Et moi, j'ai un trouble bipolaire de type 2, donc je vais pas définir tous les troubles bipolaires parce que c'est chiant. Parce que c'est long à expliquer. Et puis, voilà, ce serait assez long. Et je ne suis pas psychiatre, donc voilà, si jamais le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller consulter un psychiatre parce qu'il n'y a vraiment aucun mal à ça. Donc moi, je suis de type 2 et ça veut dire que j'ai des grosses périodes de dépression où je descends très bas, du coup, en restant dans cette métaphore des deux lignes. Et j'ai des périodes où, en fait, je vais avoir l'air juste un peu... un peu rigolote, plus enjouée que d'habitude, faire plein de choses, je vais parler super vite, tout sera un peu trop. Et ces moments-là, je dors pas non plus. Et ça veut dire que c'est une période d'hypomanie, c'est comme ça qu'on appelle ça en type 2, parce qu'il y a la manie, où vraiment là c'est très très haut. Moi c'est juste un petit peu haut, ce qui fait que personne ne peut s'en rendre compte. Je fais pas des dingueries quoi, tu oui, vois oui. Juste je vais me sentir un peu pousser des ailes et souvent ça mène à des projets en fait. Parce que je me sens pousser des ailes, je dors pas la nuit, je réfléchis à plein de trucs. Et donc finalement c'est une sorte de construction chez toi, dans ta musique finalement, c'est une aide finalement pour construire ton style. C'est terrible de dire ça mais oui. Enfin, en quelque sorte ouais, tu vis avec sorte. Et ça t'aide à trouver des idées pour composer. Ouais, de fou, je pense que bah, de toute manière, c'est pas pour rien que j'ai écrit tout un album qui s'appelle La Nuit Polaire, donc c'était exprès, ça ressemble un peu à bipolaire. Pas mal, bien trouvé, je trouve. Et surtout, La Nuit Polaire, c'est cette longue nuit dans les pôles qui dure des mois, 6 d'ailleurs, je crois. Et c'était ma métaphore pour la dépression, en fait, parce que quand c'est la nuit, ben, et que c'est la nuit pendant 6 mois, vraiment, on appelle ça une dépression, tu vois. Est-ce que c'est difficile pour toi de parler de tes émotions, d'exploser des émotions aussi intimes dans tes textes, dans tes créations? Alors, pour moi, c'est pas si dur, parce qu'en fait, je le cache sous des millions de métaphores, ce qui fait que j'ai pas du tout la sensation de dire aux gens « Ouh là là, je vais si mal !» ou au contraire « Ouh là là, je vais si bien !» Donc, si tu veux, comme c'est caché, c'est plus facile à gérer pour moi. Dans aucune de mes chansons, on va lire « Trouble bipolaire », par exemple, tu vois. Il faut lire entre les lignes et les gens qui me connaissent, ils savent. Et ceux qui me connaissent pas, et bah, tant mieux, ils me découvrent comme ça. Et ils y voient ce qu'ils ont envie d'y voir aussi, parce que c'est comme ça que j'écris. Moi, j'ai ma lecture, mais chacun a la sienne. Et là où moi, je vois une petite descente en dépression de mon humeur par rapport au trouble bipolaire, une autre personne pourrait voir ça comme un peu de nostalgie ou quelque chose de... un peu triste, mais pas tant. Tu vois, chacun, il voit bien ce qu'il a envie. Et c'est ça qui m'anime, tu vois. Je trouve ça cool que tout le monde puisse lire entre les lignes de la façon dont il en a envie. Tu définis ça comme cathartique dans les médias. Ouais. Donc, dans quel moment l'écriture t'aide le plus? Je vais te dire comment je fais, comment j'écris une chanson. Eh ben, en fait, je commence toujours par le texte. Et c'est ça qui est cathartique, en fait. C'est de coucher sur le papier des émotions qui sont en bataille dans le cerveau et avec lesquelles je me bats. Et une fois qu'ils sont posés sur le papier, c'est comme si, c'est bon, on peut respirer un peu. Souvent, quand c'est des sujets un peu durs que j'aborde, je pleure pendant que je suis en train d'écrire. Mais une fois que c'est fait, et c'est plus à faire. Et c'est plus à penser non plus. C'est une chose de, quelque part, ouais, c'est cathartique dans la mesure où tu as besoin de te libérer sainement, en fait, de libérer tes pensées, ton esprit. Écrire, c'est une solution, en fait, c'est un remède, en fait. Ouais, tout à fait. Parfois, il y a des gens qui ont besoin de composer, de décrire pour se sentir mieux. Ouais, ou des gens qui dessinent, qui peignent. Ou pour qui jouent. Une manière de relaxer, une manière de... Ouais, bien sûr, bien sûr. Dans la danse aussi, il y a ça. Se dépenser intellectuellement. Ouais, c'est ça, c'est mettre des émotions... au service d'autre chose, en fait. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est une musique tout en douceur. Tu ne te contentes pas que de chanter. Tu as été aussi félicité par un établissement public de santé pour un concert et un échange autour de cette thématique. En fait, j'ai fait un concert suite à une résidence à Pont-à-Mousson, où on s'était croisés d'ailleurs, je crois. C'est là qu'on s'est rencontrés, nous. Hein. Exactement. Et en fait, il y avait une personne de l'établissement public de santé mentale de Metz Jury qui était là. Et elle est venue me voir à la fin du concert en me disant « c'était super, je voudrais qu'on fasse quelque chose ensemble ». Et l'été est passé et je me suis dit « elle m'a complètement oubliée, c'est pas grave ». Et finalement, en septembre, elle m'a recontactée et elle m'a dit « voilà, moi je voudrais faire quelque chose autour de votre trouble bipolaire et de la santé mentale ». Cette idée de concert et tout, et elle m'a proposé de faire comme un petit jeu de questions-réponses avec le public après le concert. Une sorte de questions-réponses, mais est-ce que plutôt c'est un événement de transmission pour essayer de transmettre une émotion ouais, à... Alors, C'est de la sensibilisation quand même, parce que pour le question-réponse, tu vois, il y avait un psychiatre qui était là pour répondre aux questions vraiment très scientifico-scientifiques, tu vois, pour traiter du trouble bipolaire. Et mes questions à moi, c'était plus sur mes ressentis, en fait, et comment je traverse ça. Donc, voilà. Et quelle importance tu accordes, du coup, toi, à la santé mentale au sens large? Comment, toi, tu le perçois? Comment je le perçois? Ben moi, je le perçois de deux façons. Je trouve super qu'on parle beaucoup de santé mentale. Je trouverais super qu'on ait un rendez-vous tous les ans pour vérifier que tout va bien, de la même façon qu'on vérifie avec son médecin généraliste que tout va bien. Je trouve que ce serait génial si c'était comme ça pour tout le monde. Mais le fait que les langues se délient autour de la santé mentale, ça, moi, ça me porte préjudice, par exemple, au travail, tu vois. Les gens, ils pensent que c'est quelque chose qui est devenu si normal qu'en fait, on peut être efficace et efficient et productif malgré ça. Ce qui est vrai, on peut, mais pas tout le temps. Des fois, il y a des petites rechutes et ça fait partie du jeu, en fait. Quand tu as ça, c'est une pathologie que tu as à vie. En tout cas, pour la bipolarité, je ne parlerai pas d'autre chose, moi, parce que je ne suis pas psychiatre. Mais en tout cas, c'est pour le trouble bipolaire, c'est un truc qu'on a ad vitam aeternam, en fait. En quelque sorte, t'es un peu la porte-parole de... Du trouble bipolaire. De trouble bipolaire, de cette santé mentale, de... En fait, tu donnes confiance et tu t'accordes un accompagnement à ces personnes-là qui ne savent pas réellement ce que c'est, en fait. Alors, j'aurais pas la prétention de me porter étendard pour toutes les personnes qui ont un trouble bipolaire parce que, tout simplement, sensibiliser sur la santé mentale, c'est cool. Mais est-ce que c'est que à moi de le faire? Je ne pense pas. Et, il y a un rôle étatique derrière. Hein. Oui, voilà. Et puis, il y a plein d'autres gens bien mieux placés que moi pour porter cet étendard-là de santé mentale qui doit juste être pris comme... C'est de la santé, en fait, avant d'être de la santé mentale. On guérit un trouble ou une dépression de la même façon qu'on guérit une grippe, un rhume, tu vois, avec ou sans médicaments. Par exemple, le rhume, on prend pas de médicaments, tu vois. Mais je dirais pas que je suis représentante officielle du trouble bipolaire, mais bien sûr que c'est pas un secret. Moi, je me suis posé la question longtemps, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas, et ça me semblait malhonnête de pas dire à mes auditeurs ce dont parle pour de vrai cet album, en fait. Parce que sinon, quoi, comment j'aurais porté cet album, comment j'en aurais parlé, tu vois, en mentant à tout le monde, en disant quoi? Bah, j'ai pas trouvé le quoi. Et je voulais pas mentir, donc j'ai parlé de mon trouble bipolaire, mais en fait, je me suis pas dit « Oh là là, je vais devenir représentante officielle, je vais me bagarrer pour la santé mentale. » Juste, j'ai décidé de pas mentir, tu vois. Donc tu gardes malgré tout une facette de toi assez douce, assez ouverte, et tu es là pour sensibiliser avant tout. Mais aussi, tu es très engagé dans de nombreuses causes, dans de nombreux événements. Tu es aussi suivi par d'autres canaux, du coup, dans le cadre du programme Grand Large, c'est ça? Oui, tout à fait. Cette année, l'autre canal reconnaît mon projet comme étant un projet suivi, du coup, par l'autre canal. Et c'est cool. C'est cool parce que le projet, il existe maintenant depuis 4 ans, je crois. Et ça fait toujours plaisir d'avoir le petit tampon... de l'autre canal, reconnu par l'autre canal, c'est cool. Donc tu es certifié par d'autres canaux, ça c'est génial, le petit tampon, ça c'est ouais, top. De fou. Le programme Grand Large, c'est quoi? C'est un dispositif qui permet d'accompagner du coup des artistes locaux, c'est ça, les soutenir, mettre ouais, en avant? Ouais, voilà, les artistes du 54, alors il y a plusieurs niveaux, et là encore, je vais pas me lancer dans une grande explication parce que je ne suis pas quelqu'un de l'autre canal. Et tu as été sélectionné parmi 28 artistes? 23 projets, je crois, 23, 24, 22, je ne sais plus, mais c'est une vingtaine de projets. Voilà, une vingtaine de projets. Qu'est-ce que ça t'apporte, cet accompagnement? Est-ce qu'il y a un suivi régulier? T'es amené à faire des projets avec eux? Ils te cooptent? Bah, je pense que comme dans le paysage musical du 54, mon projet est reconnu par l'autre canal et il est identifié. Il y a quelque chose de aussi me proposer peut-être plus souvent des projets ou proposer mon nom comme ça a été le cas là pour un concert qui va venir et qui aura lieu le 25 février. Ils ont proposé mon nom et certainement celui d'autres et en fait c'est mon projet qui a été choisi et c'est ce genre d'opportunités là qu'ils offrent. Et puis à côté de ça, ils me donnent accès à des ateliers sur différents sujets, par exemple le booking ou la musique à l'écran, voilà, des choses pour donner des billes aux artistes qui font tout seuls, DIY on dit, et donner des cordes à leurs arcs pour qu'ils puissent mieux faire et avancer dans leurs projets. Donc j'ai accès gratuitement à ces ateliers-là et c'est super, c'est vraiment génial. Et tu seras amené à te produire sur scène donc avec eux à l'avenir ? Et ça, il n'y a que le temps qui le dira. Ça, l'avenir, c'est la surprise, comme on dit. Oui, réservée. Voilà. Bah, là, je sais juste que je fais un concert à l'autre canal dans le cadre de leur dispositif Nouvelle Vague. C'est un genre de truc un peu doux. C'est l'après-midi, donc c'est tout public. Et c'est gratuit, je crois. Je ne sais plus. Je ne veux pas dire de bêtises, mais alors, en tout cas, c'est ouvert à tous. Et ça aura lieu à 15h30, je crois. Voilà. Alors, réservez vos tickets. On a hâte d'y aller. Et ouais, en plus, ça rime. Alors, tu es une artiste très engagée dans plusieurs projets. Est-ce que tu as d'autres projets en tête ? Mettre au clair, parler, raconter ? Ouais, de fou. Ben, là, avec Valentine Laurent, que j'espère tu auras l'occasion de recevoir également, on a ouvert une scène ouverte qui s'appelle Pomme Cannelle. Ça aura lieu chaque deuxième jeudi du mois. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de créer un lieu d'expression musicale, un truc un peu doux. Et en fait, il n'y en a pas. Une scène ouverte, c'est pas une jam session, tu vois. C'est pas ce truc où chacun ramène son instrument et on se met à jammer tous ensemble et ça finit par avoir parfois ni queue ni tête. Une scène ouverte, c'est vraiment tu viens avec une ou deux chansons. Là, en tout cas, dans notre cadre à nous, c'est une ou deux chansons. Et t'as envie de le partager avec un public ou avec même d'autres artistes qui seront là. Et tu viens faire tes deux chansons et tu attends que ce soit ton tour. Et quand c'est plus ton tour, c'est plus ton tour, quoi. C'est suivant et... Voilà, c'est chacun son tour. On écoute avec bienveillance. Ça va être extra. Ça commence le 13 novembre, donc je pense que ce sera déjà passé. Et donc la prochaine sera le 13 décembre. Donc le 13 décembre, save the date, on réserve la date. C'est aux trois petits points du coup, je sais plus si je l'ai dit. C'est à Nancy, tout au bout de la rue Saint-Georges. C'est un grand bar. Et si tu viens déclamer tes chansons sur la scène, tu auras même le droit d'avoir un demi-verre gratuit, parce que du coup, il faudra quand même en payer la moitié. Avec modération. Mais avec modération, bien entendu, et j'ai pas dit un verre de quoi d'ailleurs. Il y aura la moitié d'un verre à payer seulement. Voir s'il y a plein de monde, peut-être un verre gratuit, c'est en discussion, voilà. Eh ben génial, on a hâte d'y être et d'écouter les chansons. C'est toujours plaisant de faire naître un petit peu la musique, finalement, la culture au sens large, très, très important. Ouais, bah c'était important pour nous de créer ce lieu qu'on aurait aimé qui existe pour nous, tu vois. On a attendu, en tout cas moi, en fait, j'ai attendu. Ça fait, je sais pas, ça doit faire 6 mois que ça me trotte bien dans la tête, tu vois. 6 mois, 1 an. Et je me suis dit... Il y en a marre d'attendre que quelqu'un le crée, et c'est moi qui vais le faire en fait. Et Valentine était au taquet pour faire ça avec moi, et je la remercie grandement, parce qu'à deux, c'est quand même vachement plus sympa. Mais ouais, c'était important pour moi de créer cette scène ouverte pour que des artistes de tout niveau puissent s'exprimer en fait. Parce que nous, on s'en fiche, on veut pas forcément que des grands artistes très assis dans les horizons musicaux du Grand Est, tu vois, c'est pas l'idée. L'idée, c'est que ton voisin, tu peux le croiser là-bas, et en fait, d'habitude, tu l'entends chanter sous sa douche, et pour une fois, il vient chanter sur une scène, tu vois. C'est un peu l'idée là, tu vois. Donc, toutes les personnes vraiment débutantes dans ce milieu de la chanson peuvent venir, amateurs peuvent venir, et proposer un tube, un morceau. Très sympa, mais faut-il savoir jouer d'un instrument. Non, parce qu'on accepte aussi les bandes-son. Ah, donc tu peux venir avec ta petite bande-son et venir chanter, il n'y a aucun problème. Donc une forme de construction d'un collectif autour d'une même thématique, en fait, finalement. Et on se rassemble, on partage et on passe un bon moment. Exactement, t'as tout compris. Tu sembles incarner un peu une forme de résilience, en tout cas artistique, et t'as la fibre artistique, ça se voit, notamment grâce à ta maman qui t'a enseigné aussi le chant. Donc t'as été baigné aussi dans cet univers musical. Ouais. Et t'as la force un peu tranquille. Si t'avais un message, un seul message à adresser à qui tu veux, ton public, ça serait lequel? Réconfortez-vous. Réconfortez-vous avec ce qui vous fait du bien. Alors, je serais très flattée si c'était ma musique. Mais très honnêtement, je sais très bien que les gens, ils sont réconfortés par du chocolat ou regarder une petite série à la télé ou faites-vous du bien en fait. Et on parle pas forcément aux gens qui ont qu'un trouble bipolaire, tu vois. Faites-vous du bien dans la vie, en fait. Faites des choses qui ont du sens pour vous et vous laissez pas bouffer par la vie, quoi. Profiter de la vie tant qu'on peut et faire des choses qui ont du sens, ça c'est très bien dit, la notion de sens, c'est ce que j'essaie de mettre en pratique aussi dans la mienne, personnellement. Eh bien, on t'applaudit bien fort. Et puis comme tu fais aussi avec tes chansons, tu nous immerges dans ton univers, hein, et ça c'est vraiment bien. Est-ce que tu as un rêve que tu voudrais faire et que tu aimerais mettre en place? En fait, j'ai deux réponses, tu vois. J'ai la réponse très, très égotique de ouais, j'aimerais bien devenir chanteuse professionnelle et ne faire plus que ça parce que j'ai un travail alimentaire à côté pour l'instant. Donc, ça, c'est le côté très moi. Mais en vrai, si j'avais qu'un souhait à faire, viens, on dit qu'on arrête de se faire la guerre, viens, on dit que qu'on laisse tranquille la Palestine, tu vois. Viens, on dit que tout le monde y a assez à manger et à boire. Donc j'ai deux réponses dans qu'est-ce que je, de quoi je rêve. Le pouvoir de Mimimati et claquer des doigts pour avoir bon cesser par exemple des guerres, ça serait bien. Ce serait super, mais malheureusement pour l'instant ça n'existe pas. Voilà. Et ben écoute, moi je te propose qu'on écoute une chanson, donc on clôture cette émission par une dernière chanson, et pourtant donc une chanson automnale, c'est ça que tu as écrite? Ouais, tout à fait. C'est vraiment le vent du changement. C'est et pourtant, voilà. Et bah merci Ayel pour ta sincérité, ton énergie, pour ce témoignage fort. On te souhaite beaucoup de succès, beaucoup de lumière dans tes projets, dans tes engagements futurs. L'autre canal pourra nous réserver beaucoup de surprises pour la suite. Et en tout cas, j'espère que Radio Fadjet viendra me voir à l'autre canal. Ici, c'est la voix de la région. Et du coup, on viendra avec volontiers te voir chanter à l'autre canal et dans plusieurs projets. Oui, bien sûr. Et son écho qui nous change, qu'importe le temps.